Juste les costumes d'autres sur soi. On ne change pas. Une veste ne cache qu'un peu de ce qu'on voit. On ne grandit pas. On pousse un peu tout juste. Tant de rêves d'un songe. Il est touché du doigt. Mais on n'oublie pas. L'enfant qui reste presque nul, est instinct d'innocence. Quand on ne savait pas, on ne change pas. On attrape des ailes et des poses de combat. On ne change pas. On se donne le change, on croit que l'on fait des choix. Mais si tu crains de là. Tout près de l'apparence, dans l'un petit qui ressent. On sait bien qu'il est là, on l'entend parfois. Et ça regarde ce langue qui s'embête et qui répète. On ne me quitte pas, on n'oublie jamais. On a toujours un geste qui frappe et qui nous met. La couronne regarde.